Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous allons revenir sur le déversement des eaux usées à Montréal, un sujet devenu politico-environnemental qui fait l'effet d'un débordement médiatique et qui n'est peut-être pas toujours abordé sous l'angle scientifique. Alors, c'est ce que nous propose Mélanie Jean. Bonjour Mélanie. Bonjour Valérie. Et oui, comme tu l'as dit, ça fait beaucoup de vagues. Oui, exactement. Mais en fait, le Saint-Laurent, c'est important de rappeler que c'est la principale porte d'entrée de tout le continent nord-américain. Et c'est une importance vraiment capitale pour les Québécois parce que 80% de la population du Québec vit sur les rives du Saint-Laurent. Et depuis l'ouverture de la voie maritime en 1959, notre fleuve est devenu une voie de navigation commerciale majeure. Donc, il y a un rôle vraiment important dans notre vie. Les échanges avec l'international. Oui, parce que c'est la porte d'entrée des États-Unis aussi au niveau commercial de façon maritime. Mais c'est aussi malheureusement dans le fleuve que se retrouvent les eaux usées de beaucoup de villes du sud du Québec, malgré qu'ils ont quand même passé par des stations d'épuration, mais ça n'enlève pas tout. Et durant plusieurs décennies, le Saint-Laurent a été directement exposé à diverses sources de pollution. Il y a des mesures qui ont été mises en œuvre au cours des dernières années, heureusement. Ça a permis de réduire la pollution, mais pas de l'éliminer complètement. Pour te donner une idée, le Saint-Laurent reçoit une partie des eaux usées d'à peu près 300 municipalités riveraines. Ça représente quand même 60% de la population totale du Québec. Donc, on voit que la population est vraiment concentrée le long du Saint-Laurent. Et dans les dernières décennies, il y a de nombreux efforts qui ont été déployés pour réduire l'impact des rejets des activités humaines sur la qualité de l'eau du fleuve. Par exemple, à la fin des années 70, il y avait seulement 2% des municipalités québécoises qui étaient reliées à un système de traitement des eaux usées. Ça devait pas être joli, hein? C'est pas énorme. Mais malheureusement, ça devait être assez catastrophique si on faisait des tests de qualité de l'eau. Mais heureusement, aujourd'hui, c'est presque la totalité des eaux d'égouts des municipalités du Québec qui est traitée. Oui, mais comme tu le disais tout à l'heure, donc les traitements n'enlèvent pas tout. Donc, c'est dans ce contexte qu'on apprend que Montréal va déverser ses 8 milliards de litres d'eau. Donc, ça veut dire quoi par rapport au fait que ça n'enlève, que de toute façon, le traitement n'enlève pas tout? Effectivement, depuis à peu près un mois, et on sait que Montréal a l'intention de déverser 8 milliards de litres d'eau usée directement dans le Saint-Laurent, et ça fait les manchettes dans les médias, non seulement au Québec, mais même aux États-Unis et même en France. Donc, ça fait vraiment parler. Mais je vais t'expliquer, en fait, de quoi il en retourne. De façon exceptionnelle, la ville de Montréal, va laisser une partie de ses égouts se déverser directement dans l'eau, mais c'est seulement pendant 7 jours sur la rive sud. Et cette dernière a d'ailleurs demandé l'autorisation au ministère de l'Environnement du Québec pour réaliser ce projet, et il y a plus d'un an. Donc, c'est pas quelque chose qui vient de se passer il y a quelques semaines. Par contre, je peux quand même facilement comprendre pourquoi ce sujet enflamme l'actualité. Oui. C'est difficile d'accepter qu'une administration municipale ait l'intention de polluer sans restriction, même si c'est juste ponctuel. Tandis que d'un autre côté, là, nous, on nous demande de recycler, d'être écologique au maximum, puis on se fait taper sur les doigts si on fait la moindre petite chose. C'est ça, ça montre pas vraiment le bon exemple. C'est ça. Donc, je peux comprendre la frustration des gens. C'est tout à fait compréhensible. Mais finalement, pourquoi Montréal doit faire ce déversement? En fait, c'est parce qu'elle doit procéder à des travaux majeurs pour abaisser la structure de l'autoroute Bonaventure. On sait qu'ils sont en plein travaux. Et ça exige de déplacer la chute d'un méga égout qui est au sud de la municipalité et qui est situé en plein dans la zone de travaux. Mais savais-tu qu'au Québec, comme au Canada et aux États-Unis, il y a des lois qui autorisent les villes à rejeter temporairement, bien sûr, dans l'environnement des eaux usées non traitées en cas d'urgence, en cas de travaux majeurs ou en cas de pluie abondante? Pour une raison fort simple, le faible risque encouru, ça justifie souvent pas les énormes moyens qu'il faudrait mettre en œuvre pour éviter ce déversement temporaire-là. Comparativement aux effets cumulés des eaux qui sont incomplètement traitées, des usines d'épuration d'eau usée ou des débordements, quand il y a des fortes pluies, les égouts débordent. Puis ces eaux-là sont pas traitées. Puis on sait qu'il y en a beaucoup dans la région de Montréal. Mais quand tu parles d'eau incomplètement traitée par les stations d'épuration, en fait, qu'est-ce que tu veux dire? Te donner un exemple, la station d'épuration des eaux usées de Montréal, elle existe depuis 1984, mais c'est seulement depuis 1996 qu'elle reçoit toutes les eaux usées de l'île de Montréal et de l'île Bizarre. Il faut préciser que cette station n'effectue pas de traitement tertiaire. Ça veut dire qu'elle désinfecte pas l'eau. Donc les bactéries restent là, si elle ne désinfecte pas. Elle possède un système de dégrillage et de décantation. Ça va permettre de retirer des déchets de grosse taille, de capturer des boues, de retirer une partie des particules et même un peu du phosphore. La station d'épuration retient une fraction assez modeste des hormones qui peuvent ainsi agir comme des perturbateurs. On en entend beaucoup parler aussi. Je vais même en parler un peu plus tard. Et ça laisse aussi échapper la majorité des produits pharmaceutiques, tout ce qui est antibiotiques, analgésiques, antidépresseurs et j'en passe. Et il n'y a aucun système en place pour diminuer, comme tu l'as dit, les parasites, les virus, les pathogènes, les bactéries. C'est là le, ben là, le oui, vrai problème. C'est ça. C'est que même quand elles marchent, de toute façon, même l'eau qui passe à travers la station ressort avec ses pathogènes. Exactement. Et ses contaminants. Parce que c'est pas le même traitement que pour l'eau potable. L'eau potable, dans ouais. les villes, c'est pas du tout la même chose. Et c'est pas ce déversement d'eau usée-là qui est ponctuel, qui est un problème, je crois. C'est vraiment ce qui, mais en fait, ça relève un peu, ce débat-là. C'est ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait moderniser les réseaux actuels. Il faudrait que les systèmes soient meilleurs, que tu sais, c'est pas normal de dire on traite l'eau usée, mais que finalement on enlève juste des morceaux là. C'est ça, exactement. Les bactéries se ressortent. Oui. D'ailleurs, parlant de tout ce qui est antibiotiques et produits pharmaceutiques, vous vous souviendrez peut-être en 2013, ça a fait les manchettes pendant plusieurs semaines. Environnement Canada a publié les résultats d'études scientifiques qui avaient été effectuées dans le Saint-Laurent, et le résultat est assez surprenant. Le fleuve, c'est un véritable cocktail de médicaments. Mm-hmm. Il y a à peu près une trentaine de contaminants qui ont été analysés, qu'on a découverts. On a découvert 17 produits pharmaceutiques et de soins personnels, un paquet d'autres substances qui a été détecté aussi quand on a fait des suivis de la qualité de l'eau du Saint-Laurent. Mm-hmm. Puis finalement, ils viennent d'où d'ailleurs, ces produits-là, tous ces produits? Ben, c'est assez simple. Les rejets de médicaments périmés viennent de quand on les flush dans les toilettes ou par l'élimination du corps humain, parce qu'en fait, on consomme des médicaments. On est d'ailleurs la principale source de contamination. Uh-huh. Mais notre organisme n'absorbe pas 100% de tout ce qu'il y a dans le médicament. Donc, quand on va à la salle de bain, ben ça se retrouve là. Ben ouais. Et les eaux usées qui sont rejetées dans le Saint-Laurent, ben ils contiennent des traces de ces médicaments-là qu'on pense garder en lieu sûr dans la pharmacie. Mais en fait, on s'est rendu compte que dans le Saint-Laurent, il y a une assez énorme quantité d'analgésiques, d'anti-inflammatoires et d'antidépresseurs. En fait, les médicaments les plus populaires, c'est ce qu'on retrouve dans le Saint-Laurent. C'est assez facile de faire le lien. À court terme, comme je l'ai dit tout à l'heure, on parlait de perturbations endocriniennes. Ouais. C'est les poissons qui vont être touchés majoritairement par ces substances-là. Il y a des études qui ont démontré qu'il y a des poissons mâles qui acquéraient des caractéristiques femelles parce qu'il y a trop d'hormones dans l'eau. Et 75% des résidus d'hormones sont éliminés dans le traitement des eaux. Leur concentration provient des usines de traitement, mais est encore 100 fois trop élevée, même si on pense qu'on élimine le problème en traitant l'eau. Et mais ça enlève ce qu'il en sort, il en sort de toute façon il trop. Il en sort trop, exactement. Et selon le groupe de recherche interuniversitaire en limnologie en environnement aquatique, le débit qui sera relâché lors du déversement de Montréal, dont on fait les manchettes depuis un mois, c'est 13 mètres cubes par seconde. Mais le débit du fleuve, c'est d'environ 8000 mètres cubes par seconde. Mais ça représente 0,2% du débit du fleuve. Mm-hmm. Donc, on s'énerve un peu beaucoup pour 0,2% de ce qui passe dans le fleuve. Ouais. Mais il faut considérer que cette petite portion d'eau va être vraiment très concentrée en divers polluants et ce déversement planifié va pas se mélanger très rapidement aux eaux du fleuve. Ah oui? La plupart de ces débris organiques-là seront pas captés par les plantes aquatiques. Ils vont emprunter la voie maritime. Ils vont se déposer un peu plus loin, voire même jusque dans le golfe du Saint-Laurent. Mm-hmm. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ben, ce qu'il faudrait améliorer, comme je le disais au début de la chronique, c'est la gestion des eaux usées. T'sais, on dit que ça laisse passer les virus, les bactéries, c'est ça, c'est ça qui est pas normal. C'est ça qui est pas normal, exactement. Il y a d'éventuelles mises à jour des systèmes devraient permettre d'améliorer la qualité de l'eau à la sortie des stations d'épuration. Et aussi, ce qui serait bien, c'est d'essayer d'empêcher les surverses quand il y a des grandes pluies. Oui. Parce que ça aussi, il déborde plein de trucs dans l'eau qui ne devraient pas se retrouver là. Mais il y a un troisième problème aussi qu'il faudrait régler, c'est que 80% des milieux humides dans la région de Montréal ont disparu depuis la colonisation. Mm-hmm. C'est énorme. C'est beaucoup, oui. Parce qu'ils jouent un rôle, ces milieux humides. Ben c'est exactement ça. Ils ont été asséchés au profit de l'expansion urbaine et résidentielle. Mais les milieux humides le long de la vallée du Saint-Laurent, c'est des écosystèmes extrêmement riche en biodiversité, mais surtout extrêmement important dans la qualité de l'eau. C'est des filtres. C'est des filtres, c'est ça. C'est exactement ça. C'est les reins du Saint-Laurent. On a enlevé les reins au Saint-Laurent, carrément. Et c'est malheureusement ça qui nuit à la qualité de l'eau. Et le débat qui entoure les eaux usées de Montréal aura au moins permis de mettre quelque chose au premier plan, de mettre quelque chose en lumière, je pourrais dire. Non seulement que c'est primordial de mieux gérer les eaux usées dans l'avenir, mais j'ai trouvé que la colère puis l'indignation des gens que les gens ont suscité, ça a démontré l'attachement que les Québécois ont pour le fleuve. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est faut voir du positif dans tout ça. Exactement. J'ai remarqué que On y tient finalement, c'est ça, oui. Exactement. Puis on veut qu'ils soient en bonne santé. Oui. Ouais. Puis peut-être aussi qu'il faudrait remettre en question notre surconsommation d'eau potable. Oui. Oui. Parce que ça se traduit forcément par une surproduction d'eau usée et de à traiter. Oui, c'est ça. Et à oui. déverser oui. éventuellement. Ça, c'est un problème qui est vraiment interconnecté. On en consomme vraiment beaucoup, beaucoup par oui. rapport à d'autres pays beaucoup développés. Trop. Oui, vraiment. Ben, merci, Mélanie, de nous avoir permis d'y voir plus clair dans ces eaux troubles. Ben, c'est un plaisir. On passe en musique sur CKRL au 89.1 et retour, on part faire un petit tour dans l'Arctique.